déjà ta voile facile. Fanatique, yo t'es ton adieu. Madame a petit a crié, tout si ménage, t'es dans la peine. Zami a dit non, revoir son beau tristesse. Pour nous, la préfléchie, quoi l'enlève. Si bon Dieu plaît, faut que nous rivions. T'as débarqué dans l'autre monde, nous sans amis, nous pas bon route. T'as cherché mon pour parler, tout sans langage. Ça dit, misère. Prince m'a prêté.